Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, frappé, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. De plus, avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication, le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l'enceinte des établissements scolaires. On parle alors de cyberharcèlement. Depuis la loi du 2 mars 2022 visant à combattre justement le harcèlement scolaire, ce phénomène est d'ailleurs reconnu comme un délit. Alors face à cela, la politique de prévention du gouvernement s'est structurée autour du programme de lutte contre le harcèlement appelé PHARE, qui a été mis en place depuis 2021 et généralisé au collège depuis la rentrée 2022. Alors il repose sur 8 piliers qui sont mesurer le climat scolaire, prévenir les phénomènes de harcèlement, former une communauté protectrice de professionnels, ou bien encore intervenir efficacement justement sur ces situations de harcèlement, également associer les parents et les partenaires et communiquer sur ce programme phare, mobiliser également les instances de démocratie scolaire et comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté et à l'environnement, suivre l'impact bien entendu de ces actions et enfin mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources. Ce programme s'appuie en 2023 sur un réseau de 400 référents académiques et départementaux répartis sur tout le territoire justement pour traiter les situations de harcèlement signalées par les chefs d'établissement et grâce aux plateformes d'écoute. À la rentrée 2023, et pour prévenir ou traiter plus efficacement et plus rapidement les situations les plus complexes, notamment dans le premier degré, des mesures viennent donc compléter celles déjà en place. Tout d'abord, le programme phare ayant prouvé son efficacité en matière de sensibilisation et de prévention, il est étendu au lycée depuis la rentrée 2023. Ensuite, depuis le printemps 2023, 86% des collèges et 60% des écoles sont inscrits dans ce programme. 6 mois après l'annonce de sa généralisation, les recteurs mobilisent les services académiques et départementaux pour atteindre l'objectif de 100% des écoles et collèges insérés dans le programme phare. Concernant la communication des numéros d'urgence, le 30-18, qui est la ligne d'appel nationale des situations de cyberharcèlement, et le 30-20, qui est un numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes, ils seront systématisés à chaque rentrée scolaire dans les carnets de correspondance et autres supports numériques. Ensuite, conformément à l'article 5 de la loi du 2 mars 2022, tous les personnels devront être formés à la lutte contre le harcèlement scolaire, à commencer par la formation des professeurs stagiaires. Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation et les écoles académiques de la formation continue sont mobilisés en ce sens. Enfin, une autre mesure est basée sur le fait de prévenir ou résoudre les situations les plus complexes, notamment dans le premier degré. En effet, certaines situations ne peuvent se résoudre qu'en séparant les élèves harcelés de l'harceleur. Il n'est cependant pas possible aujourd'hui, contrairement au second degré où existent des procédures disciplinaires, de scolariser dans une autre école un élève du premier degré sans l'accord de ses parents. C'est pourquoi 2 réponses éducatives supplémentaires seront mises en place en fonction de la gravité de la situation, afin d'assurer justement la protection des élèves victimes. Le premier niveau, la situation a été prise en charge et l'équipe éducative est à même de résoudre la situation, donc la situation est résolue. Il y a un deuxième niveau qui est, malgré la tentative de conciliation, la situation de harcèlement perdure. Dans ce cas, une équipe départementale d'intervention se rendra sur place pour concourir à la résolution de la situation de harcèlement et son suivi. Le troisième niveau, et là qui intervient en cas d'échec des mesures précédentes, lorsque par son comportement intentionnel et répété, l'enfant auteur de harcèlement fait peser une menace grave sur la sécurité ou la santé des autres élèves, il pourrait être affecté dans une autre école, et cela sans que l'accord des représentants légaux soit nécessaire. En effet, un décret relatif à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est paru le 17 août 2023. Il permet donc de transférer dans un autre établissement les élèves harceleurs dont le comportement intentionnel est répété, fait peser donc un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves. Cette mesure contre le harcèlement scolaire a été mise en place afin d'éviter d'imposer ce changement à l'élève victime. Des procédures pourront également être lancées dans des cas de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement.